Envoie les mots, nouvelle démo pour une poignée de punchline 2. Première mesure, joli voyage, toujours en direction 2. Au sens propre, mon vieux, l'envie de soigner chaque titre. Mieux vaut rester muet comme un Charlie Chaplin. Toujours hip-hop, normal, on suit notre propre wagon. Rester soudé, quoi qu'il arrive, on gère notre escadron. Trop de risques à prendre, trop de disques à vendre. Et comme la funky family, on cherche plus à comprendre. Donne-moi un thème et je pars, et du son dans le Walkman. L'industrie, Clash Royale, un gros niveau de Pac-Man. Je m'adapte, on pleure, même si les crimes chatouillent. Reprenez vos pharaons, on veut tout pas que chaque cours. Un des vues qu'on touche tout, on m'a dit rachnique tout. Un somnambule qui se voit réveiller à Tombouctou. Tout le monde a son coup d'essai, chacun a son moktoub. Vouloir écrire censé, quitte à bosser sans sou. Et vas-y tire une taf, le reste on verra plus tard. Ceux qui nous tuent pas, cousins n'auront plus fat. On fait le taf, la virtuosité d'un calligraphe. Parti de rien, de 7 à la 1 sur Paris Match. La vie est un jeu de cartes, j'tori son carré d'as. Malgré la nouvelle vague, j'reste en marée basse. Le monde est un calamar entre requins et poney de crabe. Le monde est un gros navire, mais le cap s'est fait la malle. Laisse-moi en bas de la montagne, proche de mes campagnards. Si j'fais n'importe quoi, j'irai chez Rémi Gaillard. Garde ta maille, ouais ouais, utopie c'est vrai. T'envoies de la haine, mais comment tu veux qu'on puisse aimer, minimiser les risques afin de protéger mes albums. Je connais le rap new-yorkais mieux que Donald Trump. Je porte mon ario, délivre mon argot. On m'a dit tape fort vu que la prod est marteau. Y'a personne dehors, je me sens comme Heisenberg. De ma cuisine, Gino versor en charentaise. Le rap game, tu le sais, on s'en fout pas mal. On a préféré durer comme le groupe Ayam. Laisse-moi rapper ma vie, on y est. L'humanisme, une richesse qu'on a oubliée. Un stylo de platine accroché à mes sixième sens. Je te connais pas, mais je t'aimerais comme mon ami d'enfance. On dit que la colère frappe ou que l'amour tabasse. Je n'ai ambitieux de 7, j'ai pris mon Parnasse. Un cyclomatique, on m'a dit oui, t'es trop timide. Mais j'aime les bolides, la même en Sergio Tacchini. La même équipe, rien n'a changé. Protège-toi, on n'est jamais mieux servi sans témoin. Donne-moi des mots, une poignée pour être un magicien. Un joli tour, ça se travaille donc faut qu'on agisse bien. Prolixité, c'est toujours mieux quand on se réveille à deux. Tu manges bien, donc c'est cool quand tu en donnes un peu. C'est cool quand tu en donnes un peu, c'est ça. Une poignée de punchline 2. Demi-portion.